Ariane de Wessex par Marcel Augagneur. Une nouvelle qui débute par la grande fête mondaine est assez difficile à écrire, plus encore assommante que difficile, aussi bien pour le lecteur que pour l'auteur. On a trop abusé des fêtes mondaines, et puis on ne lit jamais les descriptions. Toujours est-il que le duc de Wessex, grand seigneur anglais bien conservé, parce qu'il n'avait jamais rien eu à perdre, donnait une grande fête, les lignes de l'aristocratie, du monde, des arts, à l'occasion du mariage de sa fille Ariane avec Lord Arthur Rice. Mariage de raison. Ariane de Wessex se rattachait au type de la jeune fille qui, sous une apparence 1875, cache une mentalité 1930. Peut-être parce qu'elle n'avait pas encore désobéi à ses parents. Elle n'avait pas eu le temps d'être aimante, donc intelligente. Elle se contentait d'être jeune et jolie et de le savoir. C'était une grande fille brune, au visage fermé, aux yeux vides. Elle habitait tantôt l'Écosse et l'Espagne, tantôt la France. Elle avait appris à Séville les danses populaires andalouses. Elle s'enorgueillissait de ce talent de salon qui constituait sa seule originalité, bien que son tempérament fût sensuel et passionné, le côté fandango, froid et résolu, le côté Browning. Quant à Lord Arthur Rice, on pouvait dire de lui qu'il incarnait l'alternative. Entre deux âges, entre deux vins, ni chair ni poisson, une fortune immense et embrouillée. Lorsqu'une jeune fille, au milieu d'une cérémonie quasi officielle, s'enveloppe d'un châle espagnol et profite de ce que l'orchestre joue un tango forcément langoureux pour se lancer dans des danses effrénées, devant une foule ébahie, ironique ou choquée, on peut voir dans cette diversion un manquement absolu aux usages ou encore la manifestation d'une éclatante fraîcheur d'âme, ignorant les règles fossiles du protocole. En tout cas, c'est ce que fit Ariane. Elle dansa, avec un art parfait et une indécence outrée par toute son innocence. Puis elle quitta brusquement la salle de bal sur un triomphe salonnier. Dans le vestibule, Lord Rice l'attendait. « Vous êtes ridicule !» lui dit-il. Elle le toisa. « Vous oubliez que j'ai du sang espagnol. »« C'est cela, l'excuse de l'hérédité. »« Je ne veux pas d'excuse, surtout vis-à-vis de vous. Vous êtes dur. »« Vous oubliez que j'ai du sang anglais. » Le soir même, il partait en voyage de noces pour le Brésil. Dès les premiers jours de la traversée, sur la Romagne, paquebot de grand luxe, la mésentente n'avait fait que croître et embellir. Une mésentente comme il s'en manifeste entre deux personnes bien élevées. Silence prolongé, conversation tombant d'elle-même, allusion d'ordre général à des défauts particuliers, et bien des perfidies, des séparations toujours brèves et toujours nombreuses. « Je vais au bar, » disait Lord Rice. « Je vais dans ma cabine, » répliqua Ariane. Il s'exécrait déjà, avant d'apprendre à se supporter. Le déjeuner avait été sinistre. La haine conjugale avait pu s'exprimer au cours d'une discussion littéraire. Lord Rice avait soutenu que les femmes n'entendaient rien à la littérature, et Ariane avait émis des doutes polis sur l'intelligence de son noble époux. D'un commun accord, ils avaient été pris d'un malaise passager, la mer était assez forte, et Lord Rice s'était réfugié au bar. « J'ai besoin d'air, » avait déclaré Ariane, « je vais sur le pont. » Et elle arpentait le pont avec une fureur contenue qui s'accordait parfaitement à l'état de la mer. Le lourd navire piquait du nez dans les lames, se redressait couvert d'écume et roulait de bâbord et de tribord en embarquant des tonnes d'eau. Ariane ne prêtait aucune attention à cette pauvre contingence, que peut-être une tempête. Celle qui bouillait sous son crâne l'intéressait davantage. En faisant un mariage de raison, j'ai tout simplement fait une folie. Il est évident que le cœur a ses raisons, que la raison n'a pas à connaître. Et puis, quand on écoute son cœur, on développe son intuition. Et faire un mariage de raison, c'est surtout se rendre à la raison des autres, en abdiquant la sienne. Arthur Rice ne m'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. Une Française dirait qu'il ne sait pas parler aux femmes, parce qu'il ne parle surtout que de lui-même. Je sais quels sont ses goûts et j'ignore s'il a du goût pour moi. Je n'ai plus qu'une ressource, si je ne veux pas me dessécher, c'est de prendre un amant. D'abord, toutes les Wessex ont eu des amants. Ce n'est pas une honte, c'est une tradition de famille. Et dans une famille comme la nôtre, c'est de l'histoire. Une vague plus forte la doucha des pieds à la tête. Ariane éclata. Voilà. Il ne me suffit pas d'être malheureuse, il faut que la nature m'accable. Prenez garde, mademoiselle, vous pourriez être entraînée. Ariane se retourna. Un matelot derrière elle se cramponnait un filin. Les hommes aussi, murmura-t-elle, et à voix haute. Je n'ai pas peur. Mademoiselle, madame, rectifia-t-elle. Pardon. Madame, le commandant interdit cette partie du pont par gros temps. Oh, ce n'est pas une tempête. Regardez la mer, elle est si. Ariane n'eut pas le temps d'achever. Une embardée du navire la projeta contre le bastingage. Une trombe d'eau s'abattit sur elle avec fracas. Un cordage qui traînait lui fouetta les jambes. Tout cela en un moment. À demi suffoquée, elle voulut cependant suivre son humeur indomptable. Enfourchant le bastingage, elle sauta dans un canot de sauvetage qui se balançait entre ses palans au-dessus du vide. « Vous êtes folle !» cria le matelot qui, à son tour, bondit dans le canot. « Ne me touchez pas ou j'appelle !» hurla Ariane dans le vacarme de la tempête. Il l'avait prise par le bras, voulant la faire redescendre de cette balançoire qui tantôt surplombait le pont, tantôt la mer en délire. « Allons, madame, c'est une folie !» À son tour, il n'eut pas le temps d'achever. Un tourbillon glauque les cloua au fond du canot. La sensation d'un ascenseur descendant à toute vitesse. Un choc brutal, un éclaboussement, des bonds vertigineux, une vitesse folle. Quand ils purent se relever, ils virent qu'ils étaient sur la mer. La Romagne montait péniblement à l'assaut des vagues. Elle disparut derrière un rideau de pluie. La nuit fut effroyable. 20 fois, ils crurent qu'ils allaient chavirer. Ils devaient sans cesse vider l'eau qui s'engouffrait dans le canot. « Le frêle esquif !» soupira Ariane, qui avait lu les romans du siècle dernier. Le soleil naissant dissipa la brume et les nuages. Le vent tomba, la mer s'apaisa en quelques instants, comme dans un cyclone d'opéra comique, lorsque l'orchestre est là de suivre des mesures précipitées. Ariane regarda le matelot et le matelot regarda Ariane sans parler. Comme ils étaient à moitié nus, le silence devenait gênant. Elle se décide à le rompre. « C'est ma faute, tout cela. » Et elle rougit. « Évidemment, » répondit le matelot. « J'étais trop imprudente, » reprit Ariane. « Si je n'étais pas montée dans ce canot, tout cela ne serait pas arrivé. J'étais vraiment folle. »« Évidemment, » répondit encore le matelot. Elle releva la tête furieuse. « Comment ? Vous osez m'insulter ? Vous ne pouviez pas comprendre. Vous ne deviniez pas que j'étais nerveuse, que je ne demandais que la paix. D'abord, tout cela, c'est de votre faute, à moi. Oui, à vous. Si vous m'aviez laissé tranquille, je ne vous aurais pas nargué. Vous avez agi comme une gamine. Je ne suis pas une gamine. Je suis Lady Ariane Rice, et vous n'êtes qu'un pauvre marin. Vous êtes bien hautaine, madame. Permettez-moi de me présenter. Comte Adam Tcheneyev. Et si je suis matelot, c'est parce que les Soviets m'ont ruiné et exilé. Ah, vous êtes le comte Tcheneyev, répliqua Ariane. « Enchanté, monsieur. Mais je vous en prie, asseyez-vous. » Elle ajouta timidement. « Pardonnez-moi mes paroles un peu vives. »« Madame, que ne peut-on pardonner à une jolie femme qui sait animer sa beauté d'une vivacité charmante ? Vous savez être cruelle. » « Est-il 17e siècle ? » réfléchit-elle. Et prise d'une sorte de malaise qu'elle ne sut attribuer à une excessive pudeur ou au mal de mer. « Monsieur, je vous en supplie, ne me dites pas de galanterie. Songez donc que nous sommes presque nus sur l'océan, et Dieu seul nous voit. Madame, croyez bien que ma galanterie est tout involontaire, et qu'elle ne demande « Monsieur, respectez-moi. Je suis honnête, bien que naufragé. Sachez que mon mari est à bord de la Romagne. Il doit me croire morte. Ah, madame, quel chagrin doit être le sien. Ça lui est bien égal, et à moi donc. Ah, oui, mais enfin, c'est mon mari. À présent, je suis compromise. « J'ai passé la nuit avec vous. Qu'importe, si j'ai le bonheur de vous voir. Monsieur, je vous défends tout compliment de cette nature. Quand un homme jeune se trouve dans un canot avec une jeune naufragée, il ne se conduit pas ainsi. Gardez vos distances. » Elle était très émue. Sa voix s'étrangla dans sa gorge. Tout à coup, elle s'effondra dans les bras du comte en sanglotant. « Comprenez-moi, j'ai besoin d'une protection. À présent, je suis seul au monde. Le destin vous a mis sur ma route. Ne m'abandonnez pas. « Comment pourrais-je vous abandonner ? » répondit le comte. « Il n'y a pas une voile à l'horizon. »« Songez, reprit-elle, que vous m'avez lié à votre sort. Aussi promettez-moi de me donner le secours de votre amitié. » Il fit la moue. « Une amitié, c'est bien difficile. »« Et pourquoi donc ?»« Parce que... » Il hésitait. « Je n'ose... »« Si, osez, » répondit-elle avec une impudence tranquille. « Vous allez me parler d'amour. » Et l'amour doit toujours dire son nom. Elle regardait avec bienveillance ce grand garçon, au visage bronzé, et qui semblait aussi jeune qu'elle. Un grand trouble s'empara d'Ariane. Adam Tchenaïev s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle ferma les yeux. « Ne me parlez point d'amour, » dit-elle, à voix très basse. « Pourquoi ? » murmura-t-il. « Parce que... » À son tour, elle chercha. « Parce que je vous aime déjà. » Une nuit sans lune. Au lendemain matin... Des pêcheurs les recueillirent, non sans quelque étonnement, car ces naufragés paraissaient radieux et marqués par une lassitude heureuse. « Ariane, Ariane !» soupira Adam Tchenaïev, pendant que la goélette glissait toute voile dehors sur la mer. « Vous m'avez révélé l'amour. Et vous, Adam, vous m'avez révélé à moi-même. » Ils étaient heureux, ils s'aimaient. Et comme les amants, lorsqu'ils sont ensemble, paraissent être partout chez eux. Ils voyaient apparaître, sans aucune appréhension, sans l'effroi de l'inconnu et de la solitude, les pics d'une île encore lointaine. Ils ne savaient pas le nom de cette île, et ils ne se souciaient guère de l'accueil qui leur y serait fait. Ils se disaient seulement « C'est là que nous nous aimerons ». Ils débarquèrent donc avec une tranquille assurance dans cette petite île oubliée, qui dormait à l'écart des routes maritimes, au milieu de l'Atlantique embrasé. Île pauvre, très pauvre, peuplée de pêcheurs espagnols, à la fois accueillants et sauvages. Un gros bourg était la capitale de cette terre perdue, Puerto Christ. Ariane et Tchenaïev descendirent dans une auberge sordide qui leur paraissait être un palais. Au début de leur séjour, ils reçurent la visite d'un vague fonctionnaire qui s'enquit poliment de leur projet, leur proposa le rapatriement sur un cargo, et devant leur refus, s'inclina et partit en leur souhaitant une longue vie et une nombreuse postérité, en leur demandant également un petit pourboire. Donc Adam et Ariane purent-ils jouir de cette solitude qu'ils auraient fui si le sort les avait séparés l'un de l'autre. Ils passèrent des jours merveilleux, des nuits plus merveilleuses encore. Ils vivaient une réalité si intense qu'elle semblait rejoindre le domaine du rêve, de ce rêve qu'ils avaient longtemps couvé en eux avant de le libérer par un mutuel amour. De longues promenades dans les campagnes arides qu'ils trouvaient riantes, ou le long des rivages brûlants et déserts qu'ils préféraient à tous les deux villes du monde. De longues causeries, des repas immangeables qu'ils dévoraient avec un appétit d'amant. L'ignorance absolue de ce qui se passait en Europe, l'oubli du passé, la vie enchantée. Mais peu à peu, leurs ressources s'épuisaient. Bientôt, ils n'auraient plus d'argent. Ils avaient vécu sur la paye d'Adam. Bientôt, ils devraient travailler. Et cette perspective les emplissait de joie. Que leur importait un travail manuel puisqu'ils étaient ensemble. Adam put s'engager dans une équipe de pêcheurs qui rôdait autour de l'île à la recherche du poisson. Chaque soir, il revenait auprès d'Ariane, et quand elle le retrouvait, ivre de soleil et d'air marin, elle croyait revivre pêcheur d'Islande, car elle avait de la lecture. Elle n'était pas restée oisive. Au cours d'une fête locale, Ariane, devant un public enthousiasmé, avait exécuté ces fameuses danses espagnoles, talent d'amateur qui choquait tant la gentry londonienne. Et comme dans les films américains, un homme, qui arborait les petites moustaches des traîtres, avait interpellé Ariane dans le sabir officiel de l'île. « Si des fois vous voudriez gagner de l'argent, venez danser dans mon établissement. » Ariane avait accepté cette offre. C'était sur le port une sorte de caboulot pour les pêcheurs et les équipages des rares bateaux faisant escale à Puerto Christ. Soutenu par d'énormes tonneaux, une petite scène. Le calcul du patron, métis de portugais et de mauresque, était bon. Le soir, le bouge s'emplissait d'une foule venue pour applaudir Ariane, qui avait la conscience de mener une existence vraiment photogénique. Debout dans la coulisse, Adam épiait les moindres mouvements de sa maîtresse, goûtant un plaisir chaque fois plus vif à ses danses, un plaisir qui accroissait son désir. Il surveillait également les spectateurs, préservaient Ariane de leurs allusions grossières et de leurs invitations à boire. Après la représentation, qui se terminait d'ailleurs très tôt, ils regagnaient sur la colline une petite maison qu'ils avaient louée. De nombreuses nuits s'écoulèrent. Peu à peu, Ariane s'était acclimatée à ce mode de vie, si imprévu pour elle. Cela ne lui avait coûté aucun effort, puisqu'elle aimait Adam avec tout l'absolu d'un premier amour. D'autre part, l'amusement pour une jeune fille riche, de gagner sa vie grâce à un travail qui flattait sa vanité, la liberté immense dont elle jouissait à Puerto Christ, et le sentiment d'être l'héroïne d'une aventure aussi invraisemblable que la vérité, chassaient de son esprit le souvenir de son existence européenne, du luxe dont elle avait aimé s'entourer. Au contraire, vêtue de cotonnades, chaussée d'espadrilles, les cheveux au vent, elle ne les coupait plus. Ariane flânait sur les rochers, pêchait des moules, mangeait de l'ail, implorait la Madone, piquait une fleur dans ses cheveux. Enfin, tout le sang espagnol. Elle ne retrouve le sang anglais que pour embarrer les novios. L'été passa, puis l'automne, puis l'hiver, puis le printemps. L'été revint. Cette existence, si animale, si naturelle, ne lassait point Adam et Ariane, puisqu'ils n'étaient pas encore là l'un de l'autre. Quelques rares navires avaient fait une courte escale pendant cette année-là à Puerto Christ. Les majestueux trois mois revenant du Chili avec un chargement de nitrate, des caboteurs emplis de pacotis, deux ou trois navires de guerre. L'hiver, saison des tempêtes, avait éloigné de l'île aux donjons brisants voiliers et vapeurs. Aussi ce fut un véritable événement que l'arrivée simultanée d'un cargo et d'un yacht. Le cargo passe encore, bien qu'il fût louche à souhait, au point de réaliser une image d'Épinal. Un capitaine barbu et débraillé, un équipage sordide recruté dans les bagnes et des cales à double fond. Bien que tous les volatiles des basses-cours fussent impitoyablement chapardés par ces mauvais garçons, à l'aurore du cargo montait le chant des coqs, les habitants de Puerto Christ se résignaient. D'abord, cette sorte d'attraction les laissait indifférents. Ensuite, cette singularité qu'un yacht captait toute leur attention. Un merveilleux yacht, blanc comme un poème hermétique, aux cuivres étincelants, à l'équipage habillé à Londres, se balançant, svelte et vigoureux, sur la vaste houle de l'Atlantique. Le propriétaire, un Français, toujours distant, toujours triste, et l'on chuchotait que la compagnie est une femme très belle. Ariane, pêchant les moules, rôdait autour du yacht, qui par son luxe éclatant lui rappelait sa vie européenne. N'était-elle pas elle-même membre du Yachting Club de France? Sa curiosité était la plus forte, et cette curiosité la perdit. Elle apprit rapidement que le propriétaire de ce navire, Achille Vermeister, banquier richissime, avait entendu les louanges que les indigènes de Porto Christ faisaient de ses dons espagnols et qu'il se disposait à l'applaudir. En cette même soirée, l'équipage du cargo pirate se décida à tirer une inoubliable bordée. Tous les cabarets de l'île, il y en avait trois, devaient être visités par cette horde excitée par le vin. Il ne faut pas oublier qu'Ariane dansait tous les soirs. La perspective de s'exhiber devant des forbans l'emplissait d'effroi. Mais elle acceptait la lutte en serrant ses mâchoires anglo-saxonnes. Elle ne voulait pas admettre la peur. Adam, lui aussi, semblait soucieux, et comme elle voulait se dominer, elle s'enquit de la cause de son trouble. « Ariane, tu vas danser ce soir devant tout un équipage ivre. Je redoute quelque chose. » Tant qu'il s'agissait d'un matelot, de deux matelots qui te manquaient de respect, je pouvais, comme je l'ai fait tant de fois, les expulser à coups de pied, mais une trentaine de matelots ayant l'esprit de corps. Il n'y faut pas songer, Adam. Mais que ferais-tu dans une rixe? Puisque je serai la cause de cette rixe, je n'aurai qu'à m'éclipser. Adam secoua la tête. Crois-moi, Ariane, ne danse pas ce soir. J'ai le pressentiment d'un malheur. Tu parles comme une femme. « Parce que je t'aime. »« Mademoiselle, permettez-moi de me présenter, Achille Vermeister de la banque Vermeister. Je reviens d'une croisière au Brésil. »« Enchanté, monsieur, » répondit Ariane avec froideur. « J'ai entendu dire par les indigènes de Puerto Christ le plus grand bien de vos danses, mademoiselle. Les indigènes sont trop aimables. » Achille Vermeister ne se démonta pas. « Vous êtes trop modeste, mademoiselle... Ariane. »« Vous vous appelez Ariane ?» un bien beau nom et mythologique à souhait. « Oui, je sais, le Minotaure. » Il la regarde avec stupéfaction. « Vous êtes donc si instruite. » À cet instant, le souvenir de sa vie européenne, une synthèse violente, revint à l'esprit d'Ariane. Elle faillit répondre en sanglotant. « Oui, j'ai mon brevet supérieur. » Mais elle se contint. « On m'a pris cette légende au couvent, » répliqua-t-elle avec ingénuité, bien entendu en baissant les yeux. « On vous y a également enseigné les dons espagnols ?»« Non, monsieur, je les ai apprises à Séville. » Ils marchaient, côte à côte sur la jetée aveuglante. Comme Ariane se sentait regardée, elle affectait une certaine désinvolture. « Vous n'avez donc pas toujours vécu à Puerto Christ ?» reprit Achille Vermeister. « Évidemment, » répartit Ariane que cet interrogatoire, et le rôle qu'il lui fallait jouer, commençait à impatienter. Elle prévint une nouvelle question et se hâta d'ajouter « J'ai suivi à Puerto Christ mon mari, qui est pêcheur. Ah, vous avez un mari. » Une inflexion désappointée n'échappa point à Ariane. Un silence, puis il reprit, avec une soudaine douceur « Eh bien, je vous ai applaudi hier soir dans ce petit bouge, mademoiselle. Vous avez un talent incomparable. Pourquoi restez-vous donc à Puerto Christ ? Revenez en Europe. Je ferai de vous une grande étoile. Vous serez riche, célèbre, vous aurez la gloire. Je repars cette nuit. Ne protestez pas. Une cabine sera préparée pour vous. Venez. J'ai le sentiment d'être votre providence. La vie que vous menez est indigne de vous. Pourquoi danser devant de misérables pêcheurs ? Accompagnez-moi en France. Le public français est si intelligent. Non, monsieur, je ne puis vous suivre. Et pourquoi ? Il parut surpris. Avec une fatuité naïve. Parce que ma maîtresse est à bord. Qu'importe, je vous la sacrifie. Monsieur, votre maîtresse m'est indifférente. J'aime mon mari. Elle s'éloigna brusquement, offensée, mais elle l'entendit crier. En tout cas, comptez toujours sur cette protection que vous dédaignez. Mon équipage, ce soir, ira vous voir. Ce seront vos gardes du corps. Le soir, au bouge. Sous la lampe fumeuse, des matelots accoudés aux tables grossières buvaient de l'alcool, fumaient, criaient, juraient, riaient. L'équipage du cargo, débraillé et irritable, menait grand tapage. Parfois l'un des marins se levait, entonnait une chanson à boire. Ses camarades le forçaient à se rasseoir et tous réclamaient sur l'air des lampions la danseuse. Le patron du bouge s'efforçait à les calmer en leur jetant des regards complices, mais ils se sentaient méprisés. Dans la zone d'ombre, l'équipage du yacht, habillé à Londres, snob, correct, évitant soigneusement de fraterniser avec les fourbons du cargo, s'absorbait dans des parties de manie, mais ce détachement fin cachait une certaine tension. Une mandoline attaqua un pizzicato. Ariane, le cœur bondissant, entra sur la scène. Une ovation formidable monta de la salle, puis une salve de plaisanterie grasse. Elle demeura un instant interdite, se domina et commença à danser. Dans la coulisse, Adam Tcheneïev serrait les poings. Ariane dansait, mais tout son corps tremblait. Elle distinguait les têtes avinées des matelots, têtes de brutes. Elle lança un rapide coup d'œil au fond de la salle. L'équipage du yacht s'était levé d'un seul mouvement et insensiblement entourait l'équipage du cargo. « Tant mieux, ce sont des alliés, » pensa-t-elle. Et elle avait peur, peur de la bagarre possible. Elle dansait et elle défaillait. Tant mieux, elle semblait voluptueuse. Peu à peu, la salle s'exaspérait, d'où jaillissaient des invitations obscènes. Tout à coup, un marin, celui qui entonnait les chansons à boire, se leva de nouveau, escalada la scène d'un seul élan et prit Ariane dans ses bras. Elle se débattit, le repoussa et gratigna son visage. Adam bondit. Il y eut un rapide corps à corps, mais d'autres matelots montèrent pour secourir leurs camarades. Ils entourèrent Adam, l'accablèrent de coups. Ariane ferma les yeux, prête à s'évanouir. Elle allait sombrer dans une demi-conscience. Elle rouvrit les yeux. Tout dansait autour d'elle, les murs, le sol, les hommes qu'elle voyait vaguement mêlés dans une lutte furieuse, des coups de revolver assourdis par son vertige. Puis un choc à l'épaule, des mains entourant sa taille et l'air frais de la nuit. Elle eut encore la sensation d'un pas de course. Des voix très proches d'elle, qui la suivaient, criaient « Attention, nous sommes poursuivis !» De nouveau, elle perçut le claquement sec des Browning. L'allure s'accélérait. Encore la fusillade, des cris, le silence, puis l'énorme bercement de la mer. Tout cela en quelques secondes. « Monsieur, c'est inconcevable. Vous m'enlevez, vous me séquestrez sur votre yacht. Vous me séparez de l'homme que j'aime. » Sa voix s'étrangla. Ariane fondit en larmes. La houle, forte et rythmée du large. L'horizon n'était dur que ne venait rompre aucune terre. Le yacht filait tranquillement ses 14 nœuds. « Mademoiselle, répondit Achille Vermeister, votre mari doit être mort, hélas. Si nous vous avons enlevé, c'est pour vous soustraire à ces brutes. Nous avons été obligés de nous servir de nos fusils. « Puisqu'il est mort, je n'ai plus qu'à mourir, » sanglota Ariane. « Ce serait de mauvais goût. Songez à votre carrière d'étoiles. Songez aussi qu'il ne tient qu'à vous, de ne point vivre seul. »« Je ne peux même plus songer, » pleurait Ariane. À cet instant, apparut d'une coursive la maîtresse d'Achille Vermeister. Cheveux laqués, œil de jet, enfin la femme fatale. Elle regarda Ariane avec ahurissement, puis apostropha son amant. Elle avait un accent espagnol qui, par sa véhémence, évoquait bizarrement les sorcières de Macbeth. « Achille, je te surprends avec une créature. Que fait cette femme ici ?»« Voilà que tu me trompes. Je suis si malheureuse. »« Il ne m'aime plus. Il ramasse des gueuses et les amène chez moi pour me braver. »« Oui, chez moi. Car chez toi, c'est chez moi. » Joignant les mains. « Oh, Madone, toi qui m'as toujours exaucé, toi qui es si bonne pour les malheureuses, fais crever cette femme dans les boutons de la peste. Fais tomber ses cheveux et qu'elle vomisse le sang de ses entrailles avec du plomb fondu. »« Quelle donc cette folle ?» sanglota Ariane. « Oh, une femme, cela n'a aucune importance. »« Protégez-moi contre ce démon !» Il cria d'une voix forte. « Laisse-nous tranquille, Ramona !» Et elle s'appelle Ramona. Reprit Ariane dans ses sanglots. « C'est un comble !» Une porte de cabine se ferma avec fracas. Achille Vermeister soupira. « Je m'étais attaché à cette femme, et depuis que je vous ai vue... » Comme il s'approchait, elle le repousse avec une douceur résignée. Ariane ne devint pas sa maîtresse. Ariane repoussa l'amour, mais elle connut la gloire éclatante. Des affiches de 3 mètres, des interviews, des photographies partout... Une publicité intense, la première danseuse d'Europe. Son cœur demeurait triste. 2 ans s'étaient passés. Elle avait retrouvé son luxe d'autrefois, mais aussi sa solitude. Elle pleurait en pensant à Adam qui était mort pour elle. Sa douleur était toujours si vive et à un degré tel qu'elle avait voulu entrer au couvent. Mais son agent de publicité ayant câblé cette intention à tous les journaux du monde, elle s'était résignée à demeurer dans le monde. Un soir, dans sa loge, au casino de Nice, elle achevait de s'habiller. Un coup frappait à la porte et Lord Rye s'entra. « Ah, c'est vous ?» murmura Ariane, redevenue très anglaise. « Je vois avec plaisir que vous n'êtes pas morte. » Il cherchait ses mots. Il était entre 2 vins. « Vous m'avez donc reconnu malgré mon déguisement ?» reprit Ariane. « Non, on m'a informé que vous étiez ma femme. Ah, c'est assez drôle, mais qui ?» Une femme, un vrai démon. Ramona, elle-même. Ils se turent, assez gênés. Ariane toussa un peu. Et vous venez me demander de reprendre la vie commune? Non. Tant mieux pour vous et pour moi, parce que j'appartiens à un autre. Vraiment? Fit Lord Rice avec une indifférence polie qui choqua Ariane. Oui, peu importe. Je ne sais pourquoi je vous dis tout cela. Dites-moi, Arthur, m'avez-vous regretté? Il répondit cérémonieusement. « Croyez bien que j'ai déploré votre disparition si soudaine. »« Évidemment, mais qu'avez-vous fait ?»« Je suis descendu au terminus, puis je suis revenu à Londres. Vos parents ont beaucoup pleuré. Pourquoi ne les avez-vous pas revus ?»« J'ai rompu avec le passé, Arthur, mais j'ai l'intention de les revoir. Je ne puis plus vivre seul. »« C'est douloureux de vivre seul, Ariane. J'ai des souvenirs. » « Et vous ?» Il parut embarrassé. « Je suis marié et j'ai 2 enfants. » Pour cacher son ahurissement, elle répéta machinalement. « Les chers babies, les chers babies. » « Je viens vous demander un grand sacrifice, » reprit Lord Rice. « Ne vous faites pas reconnaître. Sans cela, songez au scandale. Je serai accusé de bigamie. » Elle secoua la tête. « Rassurez-vous, Arthur. » Je ne détruirai pas votre bonheur, car vous êtes heureux, n'est-ce pas ? Il rougit. « Vous savez, je bois toujours beaucoup. » Il reprit son chapeau et ses gants. « Au revoir, Ariane. Soyez moins malheureuse. Merci. » Dès qu'elle fut seule, elle fondit en larmes. Hôtel, sleeping, paquebot, théâtre, toute l'Europe. Ce soir-là, Ariane dansait à Londres. Le rideau s'était relevé pour la 11e fois. 11 fois, Ariane avait fait la révérence. 11 fois, elle avait esquissé le sourire obligatoire. Puis elle avait traversé les coulisses pour regagner sa loge. Elle avait surpris, derrière un portant, une girl et un boy qui s'embrassaient à pleine bouche. Il l'avait saluée d'un regard d'envie. Elle, grande vedette internationale, les enviait. Elle remontait dans sa loge. Devant elle s'effaçaient les humbles figurantes. Elle les saluait d'une rapide inclinaison de tête, le sourire aux lèvres, la mort dans l'âme. La mort, parce que le matin même, elle avait acheté un Browning. Elle ouvrit la porte de sa loge et la referma doucement. « Je vais mourir à l'écart, » songea-t-elle en se laissant tomber, accablée, sur une chaise devant son miroir. Il lui renvoyait fidèlement l'image de son beau visage, de ce visage qui allait se figer dans la mort. La mort, une balle dans le crâne. La tempe ouverte, le sang qui coule en gros caillots, avec un peu de matière grise. Elle releva ses bandeaux et, sans aucune émotion, avec un grand calme, ses doigts saisirent le Browning. À cet instant, on frappa. « Entrez !» cria-t-elle en lâchant le Browning, et en même temps elle pensait « Serait-ce la Providence ?»« On va vous voir, madame, » dit l'habilleuse en lui tendant une carte. « Qui ?» demanda Ariane, et elle lut dans un subit vertige « Comte Adam Tcheneyev. »« Faites entrer !» murmura-t-elle l'habilleuse étonnée de sa soudaine émotion. Elle prêta l'oreille. Des pas dans le couloir. Ariane ouvrit la fenêtre et jeta le revolver dans la nuit. Une nuit sans lune. C'était Ariane de Wessex par Marcel Augagneur.